Bonsoir Florence Piron, nous venons de finir une rencontre OpenESR où tu as présenté tes travaux de recherche et les différents projets que tu mènes autour de la science ouverte et de l'édition avec ton association. Maintenant, j'aimerais te proposer une courte interview pour l'association Acure PhD et maintenant Acure Research. On s'est connus en 2013 lors d'un colloque au Québec que tu organisais et qui avait pour titre La révolution de la science ouverte. Et ma première question porte sur ces années qui se sont écoulées. Pour toi, quelles ont été les dynamiques de la science ouverte? Quelles ont été les évolutions positives de la mise en œuvre de la science ouverte aujourd'hui, de l'open science? Mais quels sont aussi un peu les risques ou les éléments de vigilance que tu pourrais nous pointer? Alors, beaucoup de l'invitation. Depuis 2013, je dirais que en 2013, on parlait je parlais dans le colloque d'une révolution. C'était encore un peu une élite qui s'intéressait à ces questions, alors que maintenant, c'est devenu beaucoup plus connu comme thème. Donc, quand on parle de libre accès, on n'a plus besoin de définir, etc. Et beaucoup de chercheurs ont évolué, beaucoup d'universités ont évolué. Par exemple, la plupart des universités ont des dépôts institutionnels. Donc, quand les chercheurs veulent déposer leurs textes, ils peuvent le faire. Les institutions du libre accès aussi se sont renforcées, que ce soit le répertoire des revues en libre accès. En tout cas, il y a vraiment eu, on sent un renforcement, et les politiques publiques se sont également bien renforcées. L'évolution du manque de vigilance, c'est évidemment les publications de nos auteurs, l'espèce d'invention marketing que les revues à but lucratif ont imaginé pour continuer à faire de l'argent sur le dos des auteurs. Ça m'enrage totalement. Et ce qui m'enrage encore, c'est la docilité des chercheurs face à ces frais. Ils sont obligés de les payer parce que ça coûte cher, oui, de faire des revues, mais en fait, ça coûte beaucoup moins cher que ces revues qui font payer des frais aux auteurs. L'accès aux données, je trouve ça très intéressant. Par contre, c'est pas évident, c'est pas aussi évident parce qu'on a mis en accès ces documents. Il faut que les personnes soient capables de les trouver. Même chose pour les données ouvertes, est-ce qu'elles sont disponibles tout à coup, vraiment usable, réutilisable, etc. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon, c'est quand même très, très positif. Moi, c'est la continuation des secteurs à but lucratif qui m'inquiète dans la science ouverte. Et puis, par ailleurs, moi-même, donc, j'ai évolué en réconciliant deux aspects de mes recherches, c'est-à-dire la science ouverte, au sens où je l'entendais en 2013, c'est-à-dire ouverture publication, ouverture à la société, d'y ajouter une culture au sens exclu, ce qui était un sujet sur lequel je travaillais ailleurs depuis très longtemps. Et donc j'ai réussi à combiner les deux, les trois ouvertures là dans un texte récent. Et je pense que cette nouvelle définition de la science ouverte va être plus riche, plus intéressante encore. J'ai dû, dans le fond, j'ai réussi à faire ce lien, c'est grâce à mon travail en Afrique, avec les chercheurs africains, les étudiants africains. Que j'ai ce lien-là qui n'était pas évident avant que j'aille sur le terrain, l'est maintenant. Donc je les remercie de ça. Parfait, c'est beau de voir cette évolution aussi, toujours de la pensée, de la recherche, toujours en évolution dans les cadres, les contextes qu'on a, les rencontres aussi. Donc merci de cette illustration de savoir aussi vivant et inclusif. La deuxième question va être sur quelque chose cher à Acure PhD, Acure Research, qui est celle du hack. Par le hack, j'entends les possibilités que l'on met en œuvre par des actions, du détournement, du contournement pour pouvoir faire malgré tout face à l'adversité. Donc voilà, ma question est de savoir quels sont tes hacks, quels sont tes contournements face à au peu de moyens, comme tu le disais lors du webinaire, de peu de ressources que tu as pour tes projets. Alors, ces contournements, ben, dans le fond, je suis constamment dedans. C'est très amusant d'un certain côté parce que quand on trouve des astuces ou des hacks, on est vraiment très content. Je suis dans la position, dans le fond, pour travailler avec des chercheurs en Afrique, en Haïti, donc des pays où il y a tellement peu de ressources pour la recherche tout court, où la recherche est même parfois pas très bien comprise ni même encouragée, tellement les universités là-bas ont de problèmes avec l'enseignement, hein, c'est vraiment leur priorité. Donc, travailler avec ces chercheurs, je pouvais pas arriver en étant la même que je suis au Québec avec toutes les ressources que j'ai. Donc, je me suis mise en position décalée décentrée par rapport à ce que je vis dans ma réalité. Et ça m'a amenée à découvrir toutes sortes d'outils et de façons de faire les choses que j'aurais même pas imaginé il y a 10 ans. Là. D'ailleurs, je refuse maintenant, parfois je le fais, mais je refuse de passer par les petits de mon de bibliothèque littéraire pour avoir accès à des textes. S'ils sont pas accessibles, je vais sur Sci-Hub plutôt que dans mon université. Donc ça, c'est une petite astuce, n'est-ce pas, que beaucoup utilisent et que j'aime et que sans... Et pour le moment, c'est pas interdit dans mon livre, en tout cas. Et puis, sinon, alors, c'est vraiment les liens de travail des personnes qui me permettent de trouver parfois des mines d'or juste à côté de moi. Autrement dit, on a une difficulté où on veut une chose et on se dit, ah, j'ai besoin pour ça, etc. Et finalement, je découvre que mon copain, là, le chercheur du groupe, finalement, c'est quelque chose qui fait et qu'on peut s'entendre ensemble pour le faire. Par exemple, là, je voudrais faire des petites vidéos à partir des articles publiés au Grenier des Savoirs. J'aimerais faire des vidéos avec les auteurs pour les valoriser, etc. Et je découvre finalement qu'une des personnes avec qui je travaille depuis longtemps adore faire ça. Donc, on va tout simplement se mettre ensemble. Donc, apprendre à connaître les gens qui travaillent avec nous et leurs aider pour ensuite les faire intervenir. Puis, personne-là, c'est pas du travail en plus, c'est l'occasion de développer ses capacités. Pour les couvertures de nos revues, qui sont magnifiques, ben c'est des photos que j'ai prises ou qu'on m'a données, c'est un néant béninois en graphisme qui les a faites. Donc c'est de regarder autour de soi, ensuite de trouver des idées. Par exemple, je raconte notre idée pour les évaluateurs d'articles, très difficile. Pays du Nord, c'est incroyable, une sur 40 personnes qui disent non, j'ai pas le temps. Comme si ils voulaient pas faire ce petit effort, c'est pas si long de lire 15 pages puis de donner son avis. Là. Et donc, ils ne faisaient pas l'effort de s'investir. Donc, et aux auteurs, ils avaient bénéficié, donc faites-le. Donc, c'est de jouer, c'est ça, sur les relations de gratitude et leur montrer que ce qu'on fait, c'est pas un service qu'on rend qui vise à grossir, à croître et à devenir. On se rend mutuellement. Puis, pour le logiciel, par exemple, de nos revues, plutôt que d'installer, j'ai essayé de regarder OJS et tout ça, Claudel, et c'était compliqué. Il a fallu que vraiment j'embauche un informaticien, il n'avait pas les moyens. J'ai plutôt allé avec un logiciel que je connais bien et qu'on a développé, et développé de façon très astucieuse, par des petites touches, petits ajouts de métadonnées, etc., de stages. De majeur, mais suffisamment pour que tout le logiciel qui sait faire des livres est parfaitement adapté à faire des revues. Et bon, là, c'est une chose un peu technique, mais on a vraiment travaillé avec un jeune informaticien pour vraiment faire des choses très utiles. Par exemple, les notifications sur dépôt de formulaire d'application, on a rédigé d'emblée le texte comme au comité de rédaction. Donc, c'est réfléchit énormément à notre flux de travail, en fait. Parce que c'est dans le flux de travail que là, on peut faire d'énormes économies. Donc, qu'est-ce qu'on a fait d'inutile? Et donc, tout est inutile, on coupe. On coupe. Le secrétaire général du Grand Grenier des Savoirs, Gilbert, pense un peu comme la mienne, justement, il voit tout de suite ces choses-là. C'est donc qu'on a vraiment amélioré notre flux de travail. Donc là, pour les articles, on varia dans une revue. Souvent, ça intéresse moins les comités de rédaction, ça intéresse pas les responsables de dossiers thématiques. Donc, tout de suite, on a trouvé une solution. On nomme une personne responsable du dossier. Alors, voilà, c'est vraiment réfléchir en termes humains, en termes flux de travail, compétences des uns et des autres, et comment on peut détourner certains outils, comme les notifications d'un formulaire, pour en faire un message. Merci, c'est parfait, Florence. Et je suis contente parce que je crois qu'on... On se retrouve dans cette communauté de nous qu'on appelle le hack, mais qui est que de accepter ce qui est et de faire avec et de trouver des solutions. Et juste une petite réflexion, je vois beaucoup, tu sais, des théories autour des travaux de la Tour sur les agents humains, non humains, réintégrer les agents non humains dans les propos. Mais ce que je me rends compte au final, c'est qu'on ne questionne pas forcément ce qu'on met derrière agents humains. Et ce que tu mets là, tu pointes du doigt, c'est vraiment comment recréer de l'humain et des caractéristiques humaines de lien dans tous nos rapports. Et je pense que ça, c'est un point aveugle qu'on ne questionne pas assez, en tout cas dans les épistémologies qui sont les nôtres et dominantes actuellement. Donc merci de ce partage, c'est vraiment passionnant. Merci.